5. Pendant les trois dernières semaines de Castillac, Anatolie fut assez occupée de ses préparatifs. Elle s'apercevait que la vie impose à l'aventure même ses lois pesantes. Et l'aventure aussi prend ses revanches, quelquefois. Mais la vie est pourtant la plus forte. Quand elle n'avait pas encore sa liberté, Anatolie pensait à son départ, comme à une belle envolée. Sur le point de partir, elle sentait sa légèreté accablée de mains bagages. Et des soucis retardaient son allure. Elle regardait ses meubles. À l'idée de les faire voyager, elle avait pitié d'eux. Elle avait pitié d'elle, qui aurait là des compagnons mornes et lourds. Elle leur disait, badinant avec gaieté, « Allons, un peu d'entrain !» Mais la grosse commode Louis XIV, trop pansue, ne se déplacerait pas volontiers. Et les petites chaises Louis XV ressemblaient à cette petite gazelle qu'Aben Hamet, l'abancerage, apporte à Blanca. Ses jambes fines, fragiles, ont risqué d'être brisées dans les mouvements du vaisseau. Il fallut qu'Anatolie revît son tuteur, afin de régler avec lui tout le détail de ses revenus, que l'héritage de sa grand-mère augmentait, et afin que tout fût très nettement fixé. Il lui semblait que sa fortune était un embarras. Et elle s'étonna d'être si peu bohémienne, car en dépit de son humeur aventureuse, elle fit ses comptes, affirma ses droits et, dans le calcul de ses intérêts, montra de la justesse. Et à Paris, comment et où s'installer ? « Bah, disait-elle, à Paris, je verrai. » La tante Pauline là-dessus se désolait. Elle insistait pour qu'au moins l'arrivée d'Anatolie fût préparée. « À la gare, que feras-tu ? Où iras-tu ? À l'hôtel ? Quel hôtel ? J'ai écrit à Paulin pour tout cela, ma tante. Calmez-vous. » Paulin répondit que c'était là préjugé de sa compétence. Il ne savait pas. Il lui était impossible de savoir ce qui convient à une jeune fille. Il suppliait qu'on voulût s'adresser à des personnes mieux informées et, disait-il, à des personnes posées. La tante Pauline obtint d'Anatolie qu'elle écrivait à ses cousins, les Daberne-Massenot, si recommandables, si bons. Ils indiquèrent une pension de famille dans le quartier du Luxembourg, qui était leur quartier. Ils se félicitaient d'avoir auprès d'eux leur cousine, de faire connaissance avec elle et de la recevoir. Madame Darben-Massenot serait à la gare, trop heureuse. Anatolie redouta cet empressement, et si elle trouvait à Paris une autre famille, quelle attache nouvelle. Mais non, répliquait la tante Pauline, je t'assure qu'on a besoin de parents. Anatolie soupirait, croyez-vous ? Il fut décidé qu'Anatolie accepterait la proposition si aimable des Darben-Massenot, qu'elle s'établirait premièrement à la pension de famille indiquée par eux, et qu'ensuite elle étudierait les conditions de son établissement définitif. Provisoirement donc, elle gardait son appartement de Castillac, qui aussi bien n'était pas sous-loué, elle y laissait tous ses meubles, et elle déménagerait plus tard. « À moins que tu nous reviennes désabusée de ta folie. » Ça, ma tante n'y comptait pas. Elle détestait de garder avec Castillac, avec le passé, un lien qu'elle eût voulu rompre tout de suite et brusquement. Elle se consolait à l'idée de partir, sans meubles, seule, vive et alerte. Catherine la rejoindrait plus tard. Et elle partirait, pour la vie comme pour une escapade.